Sixième chapitre. Madame Thouvenin bâillait mélancoliquement en considérant à travers son lorgnon les vieux Quimper, les vieux Rouen, les vieux Moustiers, dont les murs et quatre vaisseliers de noyer ciré étaient chargés. Une nombreuse et belle collection, certainement, qui l'eût fait pâmer d'aise à Paris dans quelque exposition sélecte, organisée par des collectionneurs non moins sélects, mais qui la laissait d'autant plus froide à Plouarnel qu'elle n'avait jamais eu l'avis de l'infaillible Figaro à ce sujet. Emmanuel, encore exempt de vernis mondain, et du reste peu propre à le conserver sans craquelure, s'il s'en laissait jamais badigeonner, courait d'une statuette de sainte à une buire, d'un huilier à un plat, s'exclamant aux pièces qu'il jugeait les plus remarquables. Et Siegfried, que faisait-il? Siegfried était dans la pièce à côté, dans le petit musée réuni par les soins de M. Gaillard. Il mesurait le crâne du squelette qui gît dans le coin de droite, un squelette d'une stature extraordinaire, 1,90 m, avec un crâne volumineux extrêmement allongé. Un squelette préhistorique, d'un préhistorique moderne, puisqu'il est couché sur le côté, mais préhistorique quand même, puisqu'il a les membres inférieurs repliés sur le tronc. Un squelette d'une époque à laquelle les cercueils étaient inconnus, mais où l'on délimitait déjà l'emplacement accordé aux cadavres par des pierres plantées debout, ce qu'on appelle un ciste. Madame Thouvenin avait visité ce musée, ainsi qu'il est d'usage, en arrivant à l'hôtel du commerce. Siegfried lui avait démontré sans réplique, par la comparaison de la tête du squelette avec une tête de Gaulois à crâne court, l'inanité de l'opinion d'après laquelle les dolmens auraient été édifiés par les Gaulois. Il l'avait guidé, en même temps qu'Emmanuel, dans l'examen des objets renfermés dans ce musée, lui montrant les Celtes. Les Celtes sont les objets les plus communs et les plus caractéristiques de l'âge de bronze. Ce sont probablement des ciseaux, des haches de guerre, etc. Des haches en diorite, des torques, un bracelet d'or trouvé en 1849 dans un des dolmens de Rondossec, entre l'hôtel et la gare. D'autres bracelets provenant de Saint-Cadeau en Belz, des poteries, des monnaies gallo-romaines et des statuettes plus ou moins intactes. La jeune femme regardait vaguement son flacon sous les narines. Dès que la visite l'amena aux environs de la porte, elle interrompit Siegfried par un nonchalant « C'est très intéressant !» prit son fils par la main et gagna la salle à manger. Une vieille dame, qui avait dû être fort bien lorsque ses boucles grises étaient brunes, était en train d'interroger la servante sur le menu du déjeuner. « Des huîtres ? Les butors, dans un mois sans air ? Du homard ? Non, madame, des tourteaux ! Encore mieux, et puis du taco ? Non, madame, des dorades ! C'est bien, faites-moi un œuf à la coque, frais si c'est possible !» Elle s'assit en face de madame Thouvenin, qu'elle examina d'un regard entre les cils, tournant légèrement le dos à un jeune homme déjà engagé dans un combat à outrance contre une énorme soupière de soupe aux choux. Elle adressa un petit salut à madame Thouvenin qui répondit par un salut très court, une sorte de salut du haut du front. Emmanuel alla chercher son précepteur et se mit à table à son tour, en face de l'amateur de soupe aux choux. Siegfried fit remarquer combien l'usage de s'abstenir d'huîtres en été est utile, non que les huîtres soient malsaines à cette époque, mais parce que, si la pêche était autorisée pendant la période de reproduction, il y aurait déjà longtemps qu'on ne pourrait plus se procurer un seul de ces mollusques acéphales. La vieille dame l'examina avec un souverain dédain. Ce garçon n'avait pas d'usage. Il était bien mis, soigné de sa personne, mais il manquait de ce je ne sais quoi qui marque un riche de race. Prétentieux avec cela, mollusques acéphales, pour dire des huîtres, pédants. Qu'était-il à ce petit garçon et à cette jeune et jolie femme? Jeune? Elle avait au moins la trentaine. On était déjà au milieu du déjeuner sans que personne eût prononcé une parole, sauf la vieille dame qui prétendait trouver un goût de sardine avariée à son œuf à la coque. Siegfried rompit la glace en disant gaiement à son élève « Nous allons bien nous amuser ici, n'est-ce pas, Emmanuel ?»« Oh !» fit Madame Thouvenin avec un gracieux hochement de tête. « S'amuser en Bretagne ! Il faudrait y mettre de la bonne volonté !» murmura la vieille dame. L'amateur de soupe aux choux eut un clignement d'yeux si moqueur qu'Emmanuel eut beaucoup de peine à garder son sérieux. Siegfried continuait, sans souci de la dolente réponse de madame. « Les deux plages sont fort jolies, et il y a assez de promenades et d'excursions à faire pour qu'en un mois nous ne retournions jamais deux fois au même endroit, partout des monuments dignes d'intérêt et un pays ravissant. »« Alors, soupira madame Thouvenin, il ne ressemble à rien de ce que nous avons vu jusqu'ici. Vous avez beau dire, monsieur Siegfried, je trouve qu'on a surfait la Bretagne. » « Ah, je suis bien aise de vous entendre parler ainsi !» s'écria la vieille dame. « De toutes les personnes que j'ai rencontrées, vous êtes la première qui ait le courage de son opinion. » Son voisin lui adressa un nouveau regard ironique, suivi d'un sourire d'intelligence à l'adresse d'Emmanuel, comme pour dire « Attention, écoutez bien ce qu'elle va raconter, ce sera drôle. » « Un pays affreux !» reprit madame Thouvenin. « Et quels hôtels !» « Affreux !» affirma la vieille dame. « Voici un mois que je le fouille en tous sens pour découvrir un endroit où mes enfants puissent se fixer pour la saison. Rien, rien, rien. Par où êtes-vous arrivés ? Nous venons de Nantes. Nous avons vu le Croisic, Pornichet, Vannes. Eh bien, nous sommes ici, c'est une réponse. Moi, j'ai fait le tour contraire, un pays atroce. Partout ?» demanda son voisin. « Partout, le Finistère a peut-être un peu plus de caractère, mais... »« Ah, le Finistère, vous êtes bien bonne de faire grâce à un département, » dit poliment le jeune homme. « Oh, du caractère pour la Bretagne, entendons-nous. Il faut bien ne rien avoir vu pour se pâmer dans ces endroits-là. D'abord, moi, je n'aime pas la mer. La Bretagne est certainement loin de valoir la Savoie. » « Et les Pyrénées !» s'écria madame Thouvenin. « Quelle nature grandiose et pittoresque ! Quelle couleur !» Ces dames se mirent alors à vanter à l'envi les régions variées qu'elles avaient parcourues ou rêvées, sans oublier toutefois de mettre en opposition avec chacun de ces tableaux enchanteurs une critique bien sentie sur la Bretagne. Ayant vidé sa soupière, le jeune homme n'avait plus d'autre occupation que d'écouter ses discours à la fois élégiaques et dithyrambiques. Son sourire allait s'élargissant, son regard malin s'éteignait entre les paupières plissées par une hilarité croissante. Il finit par éclater d'un fou rire auquel Emmanuel s'associa, non par mauvaise éducation, mais parce que, c'est Victor Hugo qui l'a dit, cette convulsion de la face est contagieuse. Les hostilités avaient dû éclater depuis longtemps entre le rieur et la vieille dame, car elle le considérait d'un air belliqueux, prêt à lui dire son fait dès qu'il voudrait bien mettre une sourdine aux éclats de sa gaieté. Il parvint enfin à se calmer et, s'inclinant du côté de madame Thouvenin, il entreprit de s'excuser. Il était breton, et cet acharnement contre son pays lui avait paru d'autant plus plaisant que ces dames ne se doutaient pas des blessures qu'elles risquaient de faire à son orgueil national. « Tant pis pour vous !» fit la vieille dame. « Il fallait prévenir. Je ne retire rien de ce que j'ai dit. » Le jeune homme la salua comme pour un railleur remerciement, paraissant attendre une reprise du duo de lamentation. Le bon Siegfried, au contraire, espérant que les dames avaient placé l'accord final, entreprit de donner à la conversation un tour plus pacifique en même temps que plus intéressant. Il parla de Carnac. La vieille dame y était allée. Elle avait pris l'omnibus de l'hôtel. Une jolie promenade. Jamais les quatre roues n'avaient été un instant dans le même plan. La voiture marchait comme les crabes, tout de côté. Elle l'avait quittée à moitié chemin, tant elle avait peur de verser. Elle se souviendra longtemps de sa course. Et pour voir quoi? Des pierres. Au fait, ceci s'adressait à Siegfried. Pourquoi ne les appelle-t-on plus des monuments druidiques? On dit maintenant des mégalithes, souffla son ennemi le breton, toujours visiblement hilar. Oui, mégalithes, reprit la vieille dame d'un ton qui signifiait clairement « Comment se fait-il que cet individu sache cela? Qu'est-ce que cela signifie? Grosse pierre, répondit Emmanuel. Le fait est qu'elles sont grosses, mais je ne vois pas pourquoi on ne dit plus monument druidique, c'était plus clair. Siegfried n'eût pas été lui-même s'il eût négligé une si belle occasion de faire un petit cours de préhistoire. La saisissant au vol, il parla, expliqua, suggéra, démontra, et ne s'aperçut du néant de ses efforts qu'en se trouvant seul à seul avec la vieille dame dont la tête se levait et s'abaissait en un mouvement approbatif que ne provoquait pas l'éloquence de Siegfried. C'était par pur parti pris que la vieille dame avait représenté la promenade de Carnac comme désagréable. Telle fut du moins l'avis de Madame Thouvenin elle-même. Sur la route, les promeneurs virent en passant un dolmen presque enclavé dans la clôture d'un champ, puis la fontaine de Saint-Cornélie et un abreuvoir couvert de ses renoncules blanches qui poussent au bord des eaux dormantes. Saint-Cornélie, ou plutôt Saint-Corneille, 20e pape, est le patron de Carnac. Il est le protecteur du bétail. C'est pour cela que deux vaches, naïvement portraiturées, sont aux côtés de sa statue sur la façade de l'église. C'est aussi pour cela que le 13 septembre, jour où il est chômé, on lui offrait naguère des bestiaux que la fabrique vendait avec leurs longes, cordes et attaches. « Très curieuse, cette église !» C'était Madame Thouvenin qui faisait cette réflexion en considérant le porche nord d'ordre dorique surmonté d'un baldaquin de pierre dont la forme rappelle celle d'une couronne royale. Elle la répéta en sortant après avoir vu les peintures de la voûte tout en bois en forme de berceau. Les cinq autels faits avec des dolmens et la chaire pour laquelle un serrurier du XVIIIe siècle a forcé le fer à prendre les formes les plus capricieusement élégantes. Depuis quelque temps, un petit garçon blond, à l'air éveillé, s'attachait aux pas des Parisiens, les suivait en avant, si l'on peut s'exprimer ainsi, s'arrêtant de temps en temps comme s'il eût voulu leur parler et qu'il ne l'eût osé. À leur sortie de l'église, ils l'aperçurent posté au coin du chemin qu'ils allaient prendre. Il les regarda passer, fit un mouvement pour les rejoindre et s'arrêta encore sans cesser de les regarder. Emmanuel suggéra que ce pouvait bien être un guide et, sur l'autorisation de sa mère, il lui fit signe d'approcher. C'était, en effet, un guide et un guide exercé comme on le vit lorsque sa timidité eut fait place à une modeste assurance. Il conduisit d'abord les promeneurs à un tumulus, ou plutôt à un galgal, qui se trouve à un quart d'heure du village. Une petite chapelle dédiée à Saint-Michel a été bâtie au sommet, d'où le nom de Mont-Saint-Michel qu'on lui donne dans le pays. Il a 20 mètres de hauteur absolue et 80 mètres de longueur. Il a été fouillé en 1862. On y a découvert un dolmen souterrain de 8 mètres de long sur 2 de large et 1 de haut environ. Ce dolmen renfermait dans un mélange de terre et de cendres des ossements calcinés, une quarantaine de celtes en jadéite et en trémolite, des grains de collier et divers objets. Du haut du mont Saint-Michel, on distingue du côté de la mer le même panorama qu'à Locmariaquer et du côté de la campagne, trois groupes d'alignements qui ont dû se relier autrefois. Ils devaient couvrir une étendue de 3 kilomètres. Ils commencent à la ferme du Ménec, à 1 kilomètre au nord de Carnac. Ils suivent d'abord une direction de l'ouest à l'est et inclinent ensuite sensiblement vers le nord. On se dirigea d'abord vers les alignements de Kermo ou de Kerlescan, à travers des chemins caillouteux de landes. Ces premiers alignements surprennent par les dimensions de leurs pierres qui ont, en général, 5 mètres de hauteur. Ils comprennent 5 allées, dont 3 se prolongent sur la colline, par des pierres moins hautes et plus espacées. Sur un de ces menhirs, on voit une empreinte que la légende dit être celle de la main de Saint Cornélie. Poursuivi par les soldats romains, Cornélie fuyait vers la mer, espérant trouver un bateau en partance. N'en ayant point rencontré, il rebroussa chemin et, se servant de la puissance que lui donnait sa sainteté, il transforma ceux qui le poursuivaient en pierre. Comme il avait repoussé de la main un soldat qui l'avait saisi, la pierre resta marquée de l'empreinte qu'elle porte encore. En souvenir de cet événement légendaire, on appelle les menhirs de Kermo les soudards de Saint Cornélie. Les alignements de Kermario ne comprennent qu'un petit nombre d'allées formées de menhirs peu élevés. Ceux du Ménèque sont les plus importants par leur nombre. Ils forment 11 allées d'autant plus droites qu'on a pris la peine de remettre à l'alignement des menhirs qui s'en écartaient. Pourquoi pas? On les avait déplacés pour fouiller dessous. Autant valait les replanter droits. Le coup d'œil ne pouvait qu'y gagner et l'on s'abandonna à ce goût de la correction. L'Anglais croyait bien trouver quelque chose sous les pierres, dit le jeune guide. Vous voulez parler de Monsieur Milne? Interrogea Siegfried. Oui, mais ça n'est pas si facile que ça de savoir ce qu'elle cache. Les anciens affirmaient qu'elles vont boire une fois tous les 100 ans, la nuit de Noël, entre 11 heures et minuit. Si on avait la chance de se trouver là pendant leur absence, on verrait ce qu'elles gardent. Il se rapprocha d'Emmanuel, Madame Thouvenin étant arrêtée à quelques pas en arrière, aux prises avec la terrible érudition de Siegfried, et poursuivit plus bas d'un ton presque confidentiel. Il paraît qu'il y a dessous de grands amas d'or, d'argent, de pierreries. Les anciens disent que la convoitise a tant d'empire sur les hommes qu'au lieu de se contenter de prendre un peu de ces richesses, ils s'attardent à remplir leurs poches, leurs chapeaux, tout ce qu'ils peuvent remplir. Le temps passe sans qu'ils s'en aperçoivent. Les pierres reviennent, les écrasent, et personne n'entend plus parler d'eux. C'est ce qui est arrivé à un homme de Plouinec. On dit aussi que les Corrigan, les petits hommes qui fabriquent les métaux dans la terre, habitent sous les pierres et qu'ils sortent la nuit pour danser au clair de lune. Seulement, c'est encore une chose qu'on dit comme ça, sans savoir. Ceux qui ont été y voir n'ont jamais eu la possibilité de faire connaître à personne ce qui s'était passé devant eux, témoin le roi du Bignou. Le roi du Bignou, dis-tu? Fit Emmanuel. Il jeta un coup d'œil derrière lui pour mesurer la distance qui le séparait de sa mère et se rapprocha du jeune garçon. Conte-moi ça! C'est une belle histoire, mais tout le monde ne la raconte pas bien. Moi, je l'ai apprise d'un ancien, qui est le meilleur conteur du pays. Vous ne m'interromprez pas, n'est-ce pas? On lui disait bien à là-haut le roi des sonneurs qu'il fallait craindre de traverser la lande à l'heure où les Corrigan dansent sur la bruyère. Il n'en voulait rien croire et répondait « S'il ne tient qu'à moi, les Corrigan danseront un jour sur des airs de chrétiens. Ils n'y trouveront pas à redire, ni moi non plus. Vienne la fête de Plouinec et vous verrez si je ne m'en retournerai pas par la lande en jouant mes plus beaux jabadao, ce qui ne m'empêchera pas de faire danser le lendemain les filles et les garçons du pays. » Les anciens secouaient la tête, pensant que là-haut finirait mal. À force de compter un jour après l'autre, on arriva enfin à celui de la fête de Plouinec. Ah, la belle fête et la belle jeunesse et les belles gavottes! Encore une, sonneur, encore une! Tant que dura la journée, là-haut n'éloigna pas le porte-vent de ses lèvres, toujours pressant l'outre sous son coude, faisant courir ses doigts le long du chalumeau, et des doigts agiles, vous pouvez m'en croire. Il jouait une gavotte après l'autre, sans se reposer un instant, et jamais il ne répétait la même. Il en savait plus de 300, toutes plus jolies les unes que les autres. Sans la brume qui tombait, avertissant les danseurs qu'il était temps de prendre le chemin du logis, il en aurait encore joué tant qu'on aurait voulu. Mais personne ne se souciait de traverser la lande après la nuit close. Personne ne veut donc m'attendre, disait le roi du Biniou à chaque couple qui s'éloignait. Alors il faudra me croire sur parole quand je raconterai ce que j'aurai vu cette nuit. Il s'achemina le dernier vers la lande. Il s'assit au pied d'un menhir et attendit. Voilà qu'au dernier coup de minuit, un bruit menu, menu, comme celui des feuilles sèches remuées par le vent d'hiver, remplit toute la lande en même temps qu'une lueur pâle éclairait tout le ciel. Le bruissement était celui que faisait la voix d'une foule de nains difformes qui sortaient de dessous les pierres. La lueur était celle de petits falots qu'ils accrochaient aux ajoncs pour éclairer leurs ébats. « Le roi du Biniou, le roi du Biniou !» crièrent les petits nains. « Salut là-haut, roi des sonneurs, fais-nous danser. Une gavotte, beau sonneur. Une gavotte, il y a longtemps que nous t'attendons. » « Une gavotte, cher nain, ce serait peu de chose. C'est 10 gavottes, 100 gavottes que je veux vous faire danser. »« Bien dit, beau sonneur !» Et les voilà qui se prennent par les mains, sautant, gambadant, tournant autour de là-haut comme des tourbillons de mer. Les heures passaient, les étoiles clignotaient. La grande ourse était couchée depuis longtemps et les korrigans ne paraissaient pas plus fatigués que s'ils venaient de se mettre en danse. Ils pirouettaient sans arrêt et sans trêve, criant de leur voix grêle « Encore une gavotte, sonneur, encore une !» Moi, je ne sais pas ce qui se passa ensuite, mais je sais que le lendemain, les premiers qui allèrent au champ trouvèrent le roi du Biniou étendu au pied d'une pierre. Il était mort, les doigts crispés sur le chalumeau, le porte-vent à la bouche et, sous son bras, l'outre crevée, morte aussi. « Ce n'est pas la même histoire, » soupira Emmanuel. « Cela ne fait rien, la tienne est jolie aussi. » Madame Touvenin rejoignait les petits garçons moins amusés à ce qu'on pouvait croire des récits de Siegfried que son fils ne l'était de celui du guide. Le précepteur continuait ses éclaircissements sur les menhirs de Carnac. « D'après le chanoine Moreau qui les découvrit au XVIe siècle, disait-il, les alignements comptaient 12 à 15 000 pierres. Aujourd'hui, ils en comptent à peine 5 à 600. Celles qui manquent ont été enlevées pour faire place à la culture, brisées pour l'empierrement des routes, la construction des murs et des clôtures. » Les blocs de granit dont le porche nord de Saint-Cornélie est formé n'ont pas d'autre origine. Siegfried interrogea le jeune guide sur un tumulus et un cromlech qui devaient se trouver non loin du village de Kerlescan. Le cromlech surtout l'intéressait tant par sa forme, celle d'un carré à coins émoussés, que par ses dimensions, 80 mètres de côté. Le guide n'avait jamais entendu parler de ces monuments et affirmait qu'ils étaient détruits puisqu'il ne les avait aperçus dans aucune de ses courses à travers le pays. Au retour, il conduisit ses clients au musée de Carnac dans lequel sont déposés les objets trouvés par M. James Milne lorsqu'il fit fouiller divers monuments du pays, notamment les buttes de Bosseno près de la Trinité-sur-Mer où il découvrit les restes d'un établissement gallo-romain. Monsieur Milne pensait que les menhirs étaient, de même que les dolmens et les cromlechs, des monuments funéraires. Il croyait découvrir, sous les alignements, les ossements de ceux d'Erdeven et de Carnac qui se sont, dit-on, livrés en ce lieu une grande bataille. Il fut déçu dans cette espérance, ainsi que venait de le dire l'enfant. Il n'y avait rien sous aucune de ces pierres qu'il fit déplacer. « Il était assez plausible, disait Siegfried, de supposer que, si ce grand nombre de pierres ne marquait pas l'endroit où avaient été ensevelis les morts d'une bataille, il pouvait au moins indiquer le lieu d'un de ces combats dans lesquels périt toute une nation. Certains auteurs ont vu dans les alignements un dragoncium ou temple consacré au culte du serpent. Où sont leurs preuves? D'autres y voient les allées d'un camp de César. » C'est à peine discutable. Comment César se serait-il abstenu de parler d'un camp de cette importance? Quant à ce monsieur de la sauvagerie, officier du génie qui, au siècle dernier, les considérait comme établis par les Romains pour caler leurs tentes contre les vents furieux, le grave Siegfried ne pouvait assez s'engausser. Il en riait presque aussi fort que le jeune homme de la table d'hôte riait des propos de la vieille dame. En résumé, conclut-il, bien que certains amas de pierres soient simplement des monuments commémoratifs, comme les 10 000 en élevèrent un lorsqu'ils aperçurent la mer pour la première fois dans leur retraite, on peut considérer que Dolmen, Tumuli, Galgal et Cromlech sont des monuments funéraires. Complets, ils se composent, comme nous l'avons vu à la maison Trouée, d'un dolmen, d'un tumulus et d'un cercle de pierre, mais ils peuvent n'offrir que l'un des trois. Les cromlechs sont comparativement rares, peut-être désignent-ils des tombes plus illustres. On peut aussi, je crois, penser sans trop s'avancer que ces enceintes étaient sacrées, qu'elles constituaient en quelque sorte des temples où l'on célébrait des rites religieux appartenant au culte des morts. À Highbury, où se trouve l'un des cromlechs les plus remarquables, deux avenues de manière sinueuse partent en sens opposé du remblai qui borne le monument. Ne pourrait-on pas admettre que le mont Saint-Michel, le cromlech de Kerlescan aujourd'hui détruit, et d'autres monuments de la région faisaient partie d'un ensemble dans lequel les alignements de Carnac jouaient le même rôle que les avenues d'Highbury? Il n'osa pas déterminer ce rôle, rappela sans y insister l'opinion de Stockley, qui voit dans les contours d'Highbury, avec son cercle principal, ses deux cercles intérieurs et ses deux avenues opposées, ceux d'un serpent enroulé, ce qui l'amène à affirmer que ce monument était un dragoncium, et il revint au tumuli. Il en compara les chambres intérieures auxquelles conduisent des passages, toujours ouverts au sud, avec les habitations d'hiver des Esquimaux et des Groenlandais, ainsi qu'avec les yourtes des Sibériens. Parla de l'usage de certaines peuplades sauvages d'enterrer les morts dans leurs cabanes, et déclara qu'il ne voyait aucune raison de douter que les chambres des tumuli n'eussent été des habitations. Il dit que la plupart de ces sépultures datent d'environ 150 000 ans et appartiennent à l'âge de pierre, bien que l'usage des tumulis et des galgals se soit conservé jusqu'aux temps historiques, ainsi que le démontre le passage des sagas de Suède, où il est parlé des obsèques faites à Harald par le roi Ring, ce qui l'amena par un petit détour dans les montagnes d'Écosse, où l'on dit encore en manière de compliment « J'ajouterai une pierre à votre tombeau » et à une dissertation sur les galgals, dissertation qui charma la route au retour et la fit trouver ridiculement courte, du moins au précepteur. Madame Thouvenin fit d'abord baigner son fils sur la plage qui regarde la baie de Quiberon parce que les vagues y sont moins fortes. Le conduisit ensuite, pour la raison contraire, sur celle de l'océan. L'après-midi était consacré à des promenades ou à des excursions. On vit d'abord les dolmens de Rondosec entre l'hôtel et la gare, puis s'éloignant peu à peu et rayonnant autour de Plouarnel, on visita successivement le dolmen de Kerjaval, dont les hiéroglyphes intéressèrent fort Siegfried, qui les rapprocha de l'écriture des Hova. L'allée de Courcono, dite la Roche aux Fées, qui est le plus grand dolmen de tout le Morbihan, les menhirs d'Erdeven, de Kerangré, de Saint-Germain, les dolmens d'Etel, celui de Kerlutu et le village de Saint-Cadeau en Belse, au bout d'une petite presqu'île à laquelle une île est reliée par une chaussée, qui fut construite en une seule nuit par Satan à la demande de Saint-Cadeau. Siegfried discourait sur cette universelle légende qui attribue au diable la construction des ponts. « Je m'imagine, disait-il, que les premiers pontonniers formèrent une corporation nomade, inconnue partout où ils passaient et assez savants pour édifier les constructions dont l'entreprise était impossible pour les populations ignorantes dont les chefs les appelaient. Ils passaient facilement pour des sorciers voués au malin esprit, et même pour le malin esprit lui-même, lorsqu'ils avaient disparu sans qu'on sût où ils allaient ni d'où ils venaient. Bien que Saint-Cadeau ne manquât pas de tromper le diable, celui-ci voulut alors détruire son œuvre. Le saint le repoussa violemment, et se sentant glissé dans cet effort, il appuya son pied si fortement que l'empreinte en demeura marquée sur la pierre. Naturellement, des pèlerinages furent organisés pour visiter le pied de Saint-Cadeau. L'empreinte miraculeuse est protégée par une grille. On se rendit également à Belle-Île. Pour cela, on prit un matin le chemin de fer pour s'embarquer à Quiberon. La ligne traverse l'étroite presqu'île dans toute sa longueur. Ce sont d'abord des terrains bas et submergés, des dunes amoncelées par les vents d'ouest, improprement appelées falaises de Quiberon. Quelques pins malvenants croissent çà et là. Ce sont les restes des plantations qu'on avait faites pour arrêter l'envahissement des dunes. À partir du fort Pintièvre, bâti sur un rocher à l'extrémité de l'isthme, la presqu'île est couverte de mamelons dont le plus élevé porte un sémaphore. Les autres sont, pour la plupart, couronnés de moulins à vent. La côte occidentale, bordée de rochers abrupts, entourée d'écueils, n'est abordable qu'au petit port de Portivy, situé sous le canon du fort Pintièvre. La côte occidentale qui forme la baie de Quiberon est au contraire basse et facilement accessible. Elle offre un mouillage des plus sûrs. Lorsque les Anglais, résolus à détruire l'Orient, abordèrent la rive française en 1746, c'est à Quiberon qu'ils débarquèrent. Ce n'était alors qu'un village. Les Anglais l'incendièrent et coulèrent les navires abrités dans le port. En 1795, une escadre française, commandée par Villaret-Joyeuse, protégeait l'entrée de la baie de Quiberon. L'escadre anglaise de l'amiral Warren la contraignit à rentrer à l'Orient et, lui barrant le passage, protégea le débarquement des émigrés, à la tête desquels se trouvait Sombreuil. Hoche accourut avec 700 hommes. Un combat acharné s'engagea. Les émigrés furent défaits. Un petit nombre d'entre eux put regagner les vaisseaux anglais. Les autres se noyèrent en s'avançant vers les barques, où furent faits prisonniers, conduits à Auray et passés par les armes. On ne s'arrêta pas à Quiberon. En descendant de wagon, on monta en omnibus afin de gagner au plus vite l'embarcadère du bateau qui fait le service de Belle-Île. On put jeter au passage un coup d'œil sur la plage des Bains, tout près de Port-Maria, et Madame Thouvenin n'y aperçut rien qui pût lui faire regretter de s'être arrêtée à Plouarnel. Entre Quiberon et Belle-Île, la lame est plus forte que dans le Morbihan. Le petit vapeur roulait et tanguait assez pour que le délicat système nerveux de l'élégante parisienne en fût un peu ébranlé. Déjà, elle se demandait si elle n'allait pas compromettre sa dignité dans un accès de ce mal désagréable qu'on nomme le mal de mer, lorsqu'elle distingua au loin une sorte de nuage opaque qui lui parut être la côte. « Dans 10 minutes, pensa-t-elle, nous serons arrivés. » Par un effort de volonté, elle parvint à surmonter son malaise et débarqua dans le petit port de Palais, très pâle, mais sans avoir cessé de sourire. Belle-Île offre des paysages assez variés, assez pittoresques pour qu'on y fasse un séjour, comme telle n'était pas l'intention de Madame Thouvenin et que, cependant, elle désirait tout voir. Et le phare, et la mer sauvage, et la lande à laquelle on a donné par dérision le nom de forêt de Bangor, et le site charmant de Locmaria, et les pâturages alpestres dans lesquels paissent les chevaux de race bretonne, dont l'élevage est une des industries de l'île. Elle prit une voiture. 84 mètres à gravir par de raides escaliers de granit. C'est quelque chose pour une femme délicate. Madame Thouvenin ne recula pourtant pas devant cette fatigue, voulant faire connaître à son fils l'aménagement intérieur d'un phare et le fonctionnement de la lanterne. Celui de Belle-Île à Bangor est à feu tournant de minute en minute. Il a une portée de 27 milles. Siegfried émit le désir d'aller voir les trois tumuli situés à 2 kilomètres au nord du phare et dans lesquels s'ouvrent 3 galeries. Il parla aussi de la pierre branlante située auprès du moulin de Gouche. Il ne fut soutenu par personne. Le cocher surtout fit la sourde oreille. Ses détours auraient, suivant lui, pris trop de temps. Et puis, le cocher, étant plus habitué à conduire des voyageurs épris des beautés naturelles que des amateurs de mégalithes, ne pouvait comprendre Siegfried. Prenant sa route accoutumée, il se dirigea vers la pointe aux Poulains, en suivant la mer Sauvage, une des côtes les plus pittoresques de la Bretagne. L'océan déferle avec tant de force contre les rochers de gneiss et de schiste de la côte qu'il y a creusé de nombreuses grottes, dont la plus célèbre est celle de l'apothicaire. Cette grotte, ouverte à chacune de ses extrémités, a 40 mètres de longueur. Il est dangereux d'y pénétrer à marée haute, ou même d'en approcher lorsque la mer est grosse. L'heure permettant de la visiter, le cocher entreprit d'y guider les voyageurs. Siegfried descendit tranquillement, suivi d'Emmanuel, que le cocher tenait par la main. Madame Thouvenin venait la dernière. Peu à peu, la pente devenait plus rapide, les lames schisteuses de la roche plus luisantes et le fracas de la mer plus distinct. Une sorte de vertige s'empara de la pauvre femme. À chaque pas, elle croyait glisser jusqu'au gouffre. Le cocher remonta, lui prit une main et chercha vainement à la faire avancer. Siegfried revint en arrière, lui prit l'autre main. Emmanuel cria qu'il n'y avait nul danger. Rien ne la rassura. Elle s'assit sur le roc et resta là sans même oser remonter seule, terrifiée par le remous des vagues dont l'écume jaillissait jusqu'à elle. Elle ne reprit un peu de calme que dans la partie montagneuse de l'île qu'elle déclara être la première chose passable qu'elle eût vue en Bretagne, parce que cela ressemblait à la Suisse, de très loin, se hâta-t-elle d'ajouter. Le coquet village de Locmaria, niché au fond d'une baie, n'obtint d'elle qu'un regard distrait. De là, on regagna Palais en suivant la propriété trochue. L'heure à laquelle on arriva prouva bien qu'il n'aurait pas été sage de se déranger de la route pour les tumuli et la pierre branlante. Bien qu'elle fît profession de détester la mer et ses produits, Madame Thouvenin ne put s'empêcher de remarquer des algues roses fort bien préparées et placées dans plusieurs passe-partout qui garnissaient les murs de la salle à manger. Elle allait, suivie d'Emmanuel, admirant tour à tour les alimenias, les détesserias aux colorations vives, les plocamiums, les céramiums aux fines découpures, les padinas aux formes étranges. Pour elle, comme pour Emmanuel, admirer et désirer étant la même chose, elle demanda où elle pourrait se procurer quelques échantillons de plantes marines. On lui donna l'adresse de l'habile préparateur M. Jouan. Elle se rendit bien vite chez lui, mais là, son embarras fut grand. « Vois, mère, disait Emmanuel, je prends celle-ci, cette verte, c'est une ulra intestinalis. Non, celle-là est mieux, la rouge qui ressemble à des feuilles de chêne. » Il revenait de l'une à l'autre, ne pouvant fixer son choix. Sa mère coupa court à ses hésitations en prenant la collection entière, soit 120 individus. Le lendemain matin, il pleuvait. À peine à l'abri dans le salon du bateau de Quiberon, Madame Thouvenin vit en face d'elle une jeune femme d'une pâleur inquiétante. « Si cette dame a le mal de mer, se dit-elle, je ne pourrais pas faire autrement que de la voir aussi, je sens cela. Pourtant, je ne puis rester dehors, le temps est trop mauvais. » Un peu plus tard, la jeune femme était verte. Les craintes de Madame Thouvenin s'accrurent, augmentées encore par l'odeur de graisse chaude et la chaleur molle. Elle se décida à remonter sur le pont. La veille, en regardant obstinément l'horizon, elle avait pu se soustraire à l'effet nerveux produit par le roulis. Mais l'horizon était alors si rapproché, grâce à la brume et aux vagues assez fortes, qu'elle ne voyait guère au-delà du flanc du bateau sur lequel le choc des vagues mettait un miroitement désagréable. Ses tempes se serraient, une sueur froide perlait autour de ses lèvres, et le petit vapeur roulait, tanguait, dansait, et les vagues sautaient, miroitaient, tourbillonnaient, et l'odeur de graisse chaude et de goudron devenait de plus en plus forte, et la dame pâle se promenait avec un va-et-vient de pendule insupportable. « Tu souffres, mère ?» demanda Emmanuel. Elle entendit vaguement comme si on lui parlait de très loin, sans comprendre, et n'eut pas la force de répondre. Elle ne s'aperçut même pas que son fils l'enveloppait d'un caban de matelots. Elle n'avait plus conscience de ce qui se passait autour d'elle. Seulement, elle trouvait que la traversée durait bien longtemps. Il lui fallut tout un jour pour se remettre. Encore ne pouvait-elle supporter les senteurs marines. Elle fut bien aise que la date du pardon de Sainte-Anne fût arrivée. Cela lui permettait de s'éloigner de la côte sans paraître agir de parti pris. Il avait été convenu qu'on reviendrait passer encore quelques jours à Plouarnel. Emmanuel s'y plaisait. Ce fut cependant sans idée de retour que Madame Thouvenin s'en alla vers Auray. Devant s'arrêter à Sainte-Anne pour assister au pardon, elle jugea bon de faire la tournée au rebours, c'est-à-dire en commençant par la Chartreuse. Sur la route de Pontivy qu'on suit d'Auray jusqu'à un passage à niveau où l'on traverse le chemin de fer, on vit le vieux moulin féodal de Bulon, qui passe pour le plus ancien spécimen de ce genre de construction. Au-delà de la voie ferrée, on entra dans un bois de chênes, dans l'ombreuse fraîcheur duquel on marcha jusqu'à la Chartreuse. Siegfried sonna. Au bruit de la cloche annonçant des visiteurs, la tourière accourut, accorte et souriante. C'était une femme distinguée, qui restait élégante sous l'habit de bure gris clair des sœurs de la sagesse. D'un seul regard de ses vifs yeux noirs, elle se rendit compte des rapports sociaux des trois personnes qu'elle allait guider, et, laissant Siegfried de côté, avec une hautaine politesse de femme du monde, elle n'adressa ses discours qu'à la seule Madame Thouvenin. Elle l'introduisit d'abord dans la chapelle funéraire élevée par les soins du duc d'Angoulême à la mémoire des victimes du désastre de Quiberon. À l'extérieur s'élève un petit portique au-dessus duquel est gravée cette inscription « Gallia Merens Posuit », la France en pleurs l'a élevée. L'intérieur est dallé de marbre noir et de marbre blanc. Les murailles sont également de marbre. La voûte, semée d'étoiles et de fleurs de lys, porte au centre l'écusson de France. Au milieu de la chapelle est un mausolée de marbre blanc couvert de sculptures, d'inscriptions et supportant un sarcophage élevé sur un triple gradin. Sur sa face antérieure ressortent les bustes de Sombreuil et de Soulanges, principaux chefs de l'expédition des émigrés. À l'autre extrémité sont ceux de deux autres chefs. Du côté droit, un bas-relief représente le débarquement à Quiberon le 27 juin 1795 et au côté gauche, un autre bas-relief est consacré à l'héroïsme du jeune Grésil de Papeux qui, après avoir été à la nage, faire cesser le feu de l'escadre anglaise, après l'entrevue d'Hoche et de Sombreuil, revint se constituer prisonnier malgré les Anglais qui voulaient le retenir et fut fusillé comme les autres émigrés. Sur le mur du fond, deux autres bas-reliefs montrent le duc d'Angoulême priant sur les ossements des vaincus de Quiberon et la duchesse d'Angoulême posant la première pierre de la chapelle. Quand on eut tout regardé et qu'on eut achevé la lecture des noms de ceux qui dorment en ce lieu, la religieuse alluma une lanterne qu'elle fit glisser dans le caveau afin qu'on vît les ossements. « Peut-on descendre ?» demanda Siegfried. La religieuse ne comprit pas. Siegfried s'expliqua. Le squelette placé en dessus l'avait frappé par sa haute taille et par la forme du crâne. Il aurait désiré prendre quelques mesures. En les rapprochant de celles qu'il avait prises sur le squelette de Plouarnel, il espérait élucider une question dont il était préoccupé depuis longtemps, celle de l'antiquité de la race bretonne. La sœur de la sagesse fut sur le point de se signer. Elle s'en abstint, se sentant en compagnie de gens peu chrétiens. Seulement sa voix devint sèche lorsqu'elle répondit « On ne descend pas !»« Très intéressant !» dit Madame Thouvenin suivant son expression habituelle. « Mais comme on s'habillait mal du temps de la duchesse d'Angoulême !» Dans le couvent, les seules parties intéressantes sont la chapelle de l'ancienne communauté des Chartreux, avec ses boiseries sculptées, le réfectoire et le cloître tapissés de copies de la vie de Saint Bruno de Le Sueur, dues au peintre breton l'Hermitet. Chacun des tableaux est accompagné d'une longue légende en vers latin qui en explique le sujet. De là, on fit un léger crochet du côté du village de Brèche pour se donner le plaisir de faire osciller la pierre branlante qui se trouve auprès du moulin. Autant jadis, les fiancés y menaient leurs fiancées, les maris leurs femmes, pour s'assurer qu'elles n'avaient pas oublié leur serment de tendresse. Aussi, la pierre de Brèche est-elle connue dans le pays sous le nom de « pierre des maris ». On raconte qu'un jaloux, voulant empêcher l'union de celle qu'il aimait avec un rival, glissa dans la rainure de la pierre servant de support à la pierre branlante un petit caillou qui arrêta l'oscillation. La jeune fiancée s'approcha, toucha la pierre doucement d'abord, puis de plus en plus fort, sans parvenir à la mettre en mouvement. En dépit de sa vertu reconnue, son fiancé la quitta, l'injure à la bouche, et ne voulut jamais la revoir. Ceux qui n'avaient pas d'autre moyen de prouver leur innocence étaient à plaindre, fit remarquer Siegfried. Les juges prévaricateurs pouvaient aisément perdre l'accusé, dont ils redoutaient les révélations. Le champ des martyrs est une pelouse entourée d'une haie et bordée d'une rangée d'arbres. À l'un des bouts, on a construit un petit monument de style grec sans aucun caractère, qu'on appelle la chapelle expiatoire. Du champ des martyrs à Sainte-Anne, la route est des plus pittoresques. Après avoir traversé une rivière sur un barrage, elle s'enfonce dans un ravin sauvage. Toutes les vieilles femmes de la Bretagne semblaient s'être réunies sur la place, devant Sainte-Anne, pour attendre les visiteurs, leur offrir des cierges et surtout leur demander des sous. Le seul moyen de s'en débarrasser fut de donner quelque chose à chacune d'elles. Encore les retrouvait-on à chaque nouvel arrêt, en cohorte aussi pressée, avec des voix aussi dolentes pour chanter la même ancienne. Un sou, un sou, un sou. Par ici, madame, la fontaine miraculeuse qui guérit les maux d'yeux. Celle qui parlait, un type de sorcière, si vieille qu'elle n'avait plus d'âge, levait sur madame Thouvenin deux yeux presque éteints, bordés de paupières éraillées. Siegfried, impatienté de son obstination quémandeuse, l'interrompit assez brutalement. « Vous n'y êtes donc jamais allé, vous qui voulez conduire les autres ?» La vieille eut un sourire méchant. « Des vieux comme moi, ça ne guérit plus. C'est bon pour les jeunes messieurs qui peuvent faire du bien sur la terre. » La fontaine miraculeuse est une grande piscine à laquelle madame Thouvenin s'arrêta peu, désirant profiter d'un reste de jour pour voir l'église, le joli cloître qui est derrière, et la Scala Santa, petit édifice surmonté d'une coupole et accompagné de deux escaliers latéraux que les fidèles montent à genoux. C'est là que le clergé célèbre l'office auquel 20 000 personnes amassées sur la pelouse et sur le parvis de l'église peuvent, dit-on, assister. Toute la nuit, on entendit une rumeur, comme d'une troupe en marche. Les fidèles arrivaient par groupes de villages ou de communes. Ils venaient de tous les points de la Bretagne. Les hommes de Quimperlé portant la veste noire avec un Saint-Sacrement brodé dans le dos, le haut col droit brodé. Ceux de Pont-l'Abbé avec le gilet et la veste sans col, dont le drap disparaît sous de lourdes broderies couleur d'or. Ceux de Pont-Sevray avec le large ceinturon de cuir blanc, ceux de Scorff tout en blanc avec des garnitures de velours noir, le gilet coupé en carré sur la poitrine, ceux de Plougastel en bleu, coiffés d'un bonnet rouge qui rappelle le bonnet phrygien, ceux de Quimper reconnaissables à leur grand feutre noir égayé d'une boucle de cuivre et de chenilles multicolores, ceux de Pontivy, étranges avec leurs longs gilets noirs et leurs trois courtes vestes superposées, ceux de Guérande, en costume austère, avec leurs femmes en habit monacal. À côté de celle-ci éclatait la beauté blonde, l'habillement élégant des filles de Sker. Puis c'étaient les femmes de Rosporden qui ont remplacé la grande collerette plissée par une sorte de capuchon de mousseline claire, celle de Quimper à la physionomie douce et triste, à la petite coiffe carrée, au col goudronné encadrant le menton. Et, belles entre les plus belles, les femmes de Fouesnant, couvertes de riches atours, et celles de Pont-l'Abbé étrangement coiffées d'un caloquet de soie pailletée, sur lequel elles relèvent leurs cheveux rattachés par devant sous un carré de dentelle. Ceux qui avaient pu retenir des logements s'y rendaient bien vite. Les autres s'abritaient sous les tentes, bivouaquaient sous les arbres, dans les rues, sur les places, encombraient la prairie. Les vieux murmuraient des oraisons. Les enfants s'arrangeaient pour dormir. La jeunesse entourait les sonneurs installés sur des tonneaux, dansait des gavottes, des jabadaos jusqu'à l'aube. Spectacle curieux et pittoresque s'il en fut et qui charma les trois Parisiens. Tout ce bruit, toute cette gaieté firent place le lendemain à un recueillement si profond, à l'heure de l'office, que la voix du prêtre se faisait entendre jusqu'au bout de la prairie. Après vint l'accomplissement des pénitences, souvent faites par des mendiants payés par celui qui les avait encourus, puis des danses et des chants, puis le départ, et Sainte-Anne rentra dans le silence. N'ayant plus rien à voir, nos voyageurs prirent la route de la station, d'où ils se dirigèrent vers l'Orient.